Yeah. Madre mia, madre mia. J'ai tout fait pour l'argent. J'perds des mal en toi, monsieur l'argent. Jugé à travers le regard des gens. J'étais gentil, j'étais nia. Ils m'ont niqué, cœur divisé. J'ai plus aimé, j'te jure, j'ai trimé. Plus confiance, l'entourage, j'ai trié. Si je visais, j'pouvais pas rater. J'me suis mouillé, maintenant j'peux rincer. J'en rêvais donc j'ai réalisé. Couteau suis, j'connais mon caractère. Ma vie un drame pire qu'au ciné. Mais on y est, tout est guiné. Élevé par une reine dans la vie, j'règne. C'est royal à main qu'il me craint. J'ai eu mal. Trop de problèmes, j'ai pas pu trouver le sommeil. Donc la nuit n'a pas pu me donner de conseils. J'ai creusé pour voir le bout du tunnel. Oh, j'ai eu mal. Trop de problèmes, j'ai pas pu trouver le sommeil. Donc la nuit n'a pas pu me donner de conseils. J'ai creusé pour voir. Tu me diras que j'abuse, que je suis dans l'excès. L'histoire est triste, mais ça vaut la peine. Faut viser le soleil pour un happy end. J'ai jamais câblé, toujours branché. Faut s'accrocher, pas accrocher. C'est le million que je viens décrocher. C'est le million que je viens décrocher. Maman, je vais le faire, c'est promis. J'ai appris, j'ai compris, j'ai grangé. J'ai caché mes larmes sous la pluie. J'ai caché mes larmes sous la pluie. Pas de commentaires. Je sais comment faire. Pas de commentaires. Je sais comment faire. J'ai eu mal. Trop de problèmes, j'ai pas pu trouver le sommeil. Donc la nuit n'a pas pu me donner de conseils. J'ai creusé pour voir le bout du tunnel. Oh, j'ai eu mal. Trop de problèmes, j'ai pas pu trouver le sommeil. Donc la nuit n'a pas pu me donner de conseils. J'ai creusé pour voir le bout du tunnel. Thank you.